في جملة المكلفين وجد في هذه الحياة اختبارا وامتحانا، وكلف بعبادة الله عز وجل، كلف بأن يعبد ربه. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلف بعبادة ربه لا لحاجة في ربنا حتى يعبده الخلق، فهو غني عن كل أحد، لا تنفعه طاعة مطيع ولا تضره معصية عاص، ولكنه الاختبار والامتحان لهؤلاء المكلفين، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثانيا، إن الله جل وعلا وعد من أطاع بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، ووعد من استقام على شرعه وأقام توحيده لربه جنة عرضها السماوات والأرض، وتوعد المستنكفين المستكبرين المعرضين عن توحيد رب العالمين نارا كلما ألقي فيها فوج وسئلت: هل اكتفيت؟ فتقول: هل من مزيد؟ فمهما ألقي فيها من الخلائق مع ما معهم من الحجارة فإنه لا تمتلئ بهم. ثالثا، إن هذا المكلف وقد أمر بعبادة ربه وجعل له أمد محدود وهو هذه الحياة الدنيا، كل له أجله الذي يتاح له فيه ما تقام به عليه الحجة وما يتاح له معه أن ينجو بنفسه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهكذا يقال لأهل النار حينما يصطرخون فيها ويسألون الله الرجعة إلى الدنيا حتى يصححوا ما تقدم منهم: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عباد الله، هذه ثلاث قضايا كبرى أبدى القرآن فيها وأعاد، وهذه القضايا الكبرى هي التي دلت عليها هذه الصورة العظيمة، سورة قاف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في خطبة الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سأفتض الله كي الله عز وجل لبريزيرفيه de lui. Et sachez que Allah Azza wa Jal nous a rappelé dans son Coran, dans son livre, sa parole qu'il a révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la guidance et la lumière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, dans la khutba de Jumu'ah, de réciter Surat Qaf. Parce que c'est une surah qui contient plusieurs significations importantes et plusieurs sujets importants qui concernent la foi, qui concernent la foi en la résurrection, qui concernent la foi en le jour dernier, le paradis et l'enfer, qui concernent également yani le fait que Allah Azza wa Jal a éprouvé les hommes et les a testés et leur a mentionné toutes sortes de preuves dans la création, plein de signes pour qu'ils puissent réfléchir sur la réalité de leur existence et le but pour lequel Allah Azza wa Jal les a créés, et la raison par excellence qui est l'adoration. Et on a récité dans la première partie de la khutbah la sourate en entier, et maintenant on va lire la signification de ces versets en français. Et donc dans ces versets, Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Qaf » qui est une des lettres de la langue arabe. Par le Coran, plein de gloire. S'étonnant que l'un d'entre eux vienne les avertir, les mécréants disent, voilà une chose bien étrange. Serons-nous, une fois morts et réduits en poussière, rendus à la vie encore? Voilà qui est impensable. Nous savons parfaitement ce que la terre consomme de leur corps décomposé, une fois qu'ils sont morts. Et nous avons, en effet, un livre où tout est soigneusement consigné. Mais pour avoir renié la vérité qui leur a été apportée, les voilà fort embarrassés. Ne voient-ils pas le ciel au-dessus d'eux, comme nous l'avons édifié et embelli d'étoiles et créé sans faille? Quant à la terre, nous en avons fait une vaste étendue où nous avons solidement planté des montagnes et nous faisons pousser une végétation variée, agréable à regarder. Voilà de quoi ouvrir les yeux de tout serviteur en quête de vérité et l'inciter à méditer. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie par laquelle nous faisons pousser des vergers et des céréales qui seront bientôt moissonnées, de même que des dattiers au tronc élancé et au régime bien ordonné, pour servir de nourriture aux hommes. Par cette eau, nous redonnons vie à la terre morte, et c'est ainsi que les morts seront ressuscités. Déjà avant eux, le peuple de Noé et les habitants de Arras et Thamoud avaient crié au mensonge. De même que le peuple de Had, ainsi que Pharaon et le peuple de Lot, ainsi que les adorateurs d'El-Eika et le peuple de Toubba, qui ont tous traité les messagers d'imposteurs. Ma menace fut donc mise à exécution. N'avons-nous pas été capables de procéder à la première création pour qu'ils doutent de notre capacité à créer de nouveau? Ayant créé l'homme, nous connaissons parfaitement les secrets de son âme. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Au moment où les deux anges, l'un posté sur sa droite et l'autre sa gauche, recueillent ses moindres faits et gestes, ils ne prononcent en effet aucun mot sans avoir à ses côtés un ange prêt à l'enregistrer. Viennent alors les affres de la mort, dévoilant toute la vérité. Voilà ce à quoi tu voulais échapper. Il sera soufflé dans la corne. Voilà le jour dont vous étiez menacé. Chaque âme viendra accompagnée d'un ange chargé de la conduire et d'un autre chargé de témoigner. Tu vivais dans l'insouciance de ce jour, mais nous t'avons aujourd'hui ouvert les yeux. Tu vois donc à présent parfaitement clair. Et son compagnon dira, voici ces œuvres que j'ai scrupuleusement enregistrées. Allah dira, jetez dans l'enfer tous mes créants rebelles à la vérité. Si peu enclins à faire le bien, si prompt à transgresser et à douter, qui vénéraient autre que Allah comme divinité, qu'ils soient dans le terrible châtiment précipité. Et son compagnon dira, Seigneur, je ne l'ai pas fourvoyé. En parlant de son compagnon, c'est-à-dire son qarim, son shaitan, qui l'accompagnait. Et il dira, Seigneur, je ne l'ai pas fourvoyé, mais il était lui-même en plein égarement. Allah leur dira, inutile de vous disputer devant moi, car vous avez été suffisamment avertis par mes messagers. Mes arrêts ne sauraient être modifiés et mes serviteurs être injustement châtiés. Ce jour-là, nous dirons à l'enfer, as-tu fait le plein de damnés? Et elle répondra, peut-on en rajouter? Le paradis, quant à lui, sera placé à proximité des pieux croyants, auquel il sera dit, voici ce qui a été promis à tous ceux qui étaient pleins de repentir et respect de nos commandements. ceux qui, loin des regards, craignaient le tout miséricordieux et qui sont venus à lui le cœur repentant, entrez-y en paix. Voici un jour qui se prolongera éternellement. Ils y obtiendront tout ce qu'ils désiraient et trouveront auprès de nous davantage encore. Que de peuples avons-nous anéanti avant eux, bien plus puissants qu'eux. Et ceux-ci avaient sillonné le monde et exploité la terre bien plus qu'ils n'ont pu le faire. Ont-ils pu échapper à nos rigueurs? Voilà assurément une leçon pour quiconque est doué de raison et prête une oreille attentive. Nous avons en vérité créé les cieux, la terre et ce qui se trouve entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre peine. Supporte donc patiemment leurs paroles et célèbre par les louanges la gloire de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Exalte également sa gloire une partie de la nuit et après chaque prière. Écoute attentivement ce que lancera l'ange d'un lieu tout proche, le jour où les hommes, entendant le cri terrifiant de l'heure, quitteront leur tombe. C'est nous qui donnons la vie et la mort, et c'est à nous que les hommes feront retour. Ce jour-là, la terre se fendra, laissant quitter précipitamment leur tombe, et nous sera alors aisé de les rassembler. Nous connaissons parfaitement leurs allégations. Tu n'as pas, quant à toi, à les contraindre à embrasser la foi. Exhorte seulement par le Coran quiconque redoute l'exécution de ma menace. Donc voici les significations et les sens de ce que Allah Azza wa Jal a dit dans cette grande sourate. Et bien entendu, aucune traduction des significations de la parole d'Allah Azza wa Jal ne pourrait nous donner rien d'équivalent ou qui se rapproche à la beauté et à l'éloquence et à la perfection de la parole d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée en arabe. Mais au moins ça nous donne un rapprochement de la signification de ce que Allah Azza wa Jal a voulu nous dire. Et de ce de quoi il a voulu nous avertir pour qu'on puisse se préparer chacun d'entre nous à ce qui nous attend après la mort et dans l'au-delà. Et c'est à chacun de nous de se faire notre propre exhortation en récitant le livre d'Allah le plus souvent possible et en méditant sur ces significations-là. Parce que beaucoup d'entre nous, même ceux qui sont arabophones, qui lisent l'arabe, qui comprennent l'arabe et qui le parlent, lorsqu'ils récitent le Coran, ils ne le comprennent pas comme il faut parce que leur arabe n'est pas le même arabe que l'arabe que parlait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba. Alors il y a pour eux une grande difficulté à saisir la profondeur des sens de la parole d'Allah Azza wa Jal, alors qu'ils sont arabophones. Alors même pour eux, c'est nécessaire de lire les explications des ulama et le tafsir du Coran pour arriver à comprendre réellement les significations de la parole d'Allah et non pas de se limiter uniquement à réciter les versets sans rien comprendre. Parce que le but de la récitation du Coran, c'est de le comprendre pour pouvoir méditer sur ses sens et par la suite pour avoir la capacité de le mettre en pratique correctement. Et donc ça c'est la leçon qu'on peut tirer de ces versets aujourd'hui et on demande à Allah Azza wa Jal de nous guider et de nous garder sur sa guidance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم